Eh, pas du Ségaraga, j'fume du taga, pas passé par la gare. Là j'fume de baragar sans baraka, pas de bâtard à la dalle. J'arrive à toute berzingue, s'évapore dans la matrice. J'fais pas ça pour te plaire, non y'a pas de sénateur dans la famille. Parle pas de fratrie si c'est pour échouer le test. Tu peux rattraper, c'est la tactique, c'est bien le test, mais où est le terre? La prod termine ta base grave, la grimpe rime périlleuse pour public averti, donc pas ta race la dinde. J'atteins pas le but, mes bras baisseront pas. J'me dévoile plus ma gueule, tu sauras R si c'est pas Def qu'on parle. Je les trompe pas, ils t'aideront pas, c'est que tu te plais à toiser. Tout ça niquer le comptable, à chaque occasion, là c'est pas la croisette. Un alphabet devant l'avare, il s'est empêché crash. Le pilote un achat, mais dis-moi qui reste pour empêcher le crash. À part chez crade la rage, dans des verres en pagaille, allez j'm'arrache, pas dans le bel en braga, à tâton dans le trac. Va y'a dans le brouillard, j'm'égare, là c'est à toi que dérange méga. Freestyle, y'a flan le matraquage, on cosse au mouton que matmata. Matmara salope. Riclet, c'est pas de la salope. Défoncé, je laisse trop place à l'autre. Les lampes, ma ça me rend grave pas l'eau. Va y'a dans le brouillard, je m'égare. Là, c'est à toi que dérange, m'égare. En freestyle, y'a plein de matraquage. On cause au mouton de matmata. Matmara salope. Riclet, c'est pas de la salope. Défoncé, je laisse trop place à l'autre. Les lampes, ma ça me rend grave pas l'eau. Dans le trou, ça remake germinal. C'est profond façon abyssal. C'est pas pour les petites putes qui bougent leur terre. J'en bats quand à Nissa. Même à mon manif, je rappe, ça piaffe. Comme un jour qui passe, ça criaffe. Y'a la bague qui chasse, la disgrâce. Mais pour le quoi que j'y fasse. La rétine carbonisée face au mic, pas canonisé. Du mal à me canaliser, moins qu'à te doigts tout arrêter. Ici si t'as tout saisi, c'est que t'es dans la merde. Bah ouais je ramène, t'as tes primes et tes cendres comme si ta mère partait. On a fini par terre après le préfet partait. Gassé l'enfer, comme des cendres sous en fait et qu'y a plutôt piassé. J'ai pas trouvé ma place à la ramasse, y'a pas d'apogée. J'ai jamais su être sûr de mes choix, je suis resté dans à peu près. Chez nous ça toutes ces troubles, on étouffe dans les braques, la cave. Je connais mes deux remparts mais je me sens pire qu'un corse à la tasse. Trop de coups de pute comme à Dallas, je compte pas t'instruire, c'est pas Talassa. Retourne cueillir tes fleurs à la salle. Va y'a dans le brouillard, j'm'égare, là c'est à toi que dérange m'égare. En freestyle, y'a flan le matraquage, on cosse au mouton que matmata. Matmara salope, riclet, c'est pas de la salope. Défoncé, j'laisse trop place à l'autre, les lampes, ma ça m'rend grave pas l'eau. Va y'a dans le brouillard, j'm'égare, là c'est à toi que dérange m'égare. En freestyle, y'a flan le matraquage, on cosse au mouton que matmata. Matmara salope. Riclet, c'est pas de glace à l'eau. Défoncé, je laisse trop place à l'autre. Les lampes, ça me rend grave pas l'eau. Je rentre dans le peur à part les égouts. Pense pas, j'ai passé les 10 dernières années à me gratter les couilles. Ma mère m'a mis au monde, j'arrive pas à le changer, je le blesse. Tu peux être un fils de pute, même si t'as grandi avec le père. Les femmes deviennent des hommes et vice versa. Prêche la bonne parole. Où sont les enfants de Grishka Bogdanov, triste constat. Le titre d'une centaine de sons de merde. Acculturé et fier de l'être, à travers des regards qui me concernent. J'ai pas de but à part finir ce putain de chez pro. Restez loin des gens qui prétendent tous aimer les uns les autres. J'ai choisi de pleurer même sur écoute, les keufs sur les côtes. Je préfère ça que passer ma vie à fourrer mon pif dans le cul des autres. Sous ma teuf, faut qu'elle ressemble au visage Grishka. Du relief des freestyles, des RSA qui tiennent mon fric ça. J'attends rien du rap, je me torche avec la couve de Paris Match. Passe mon temps à collectionner les amendes et les cartes vitales. Va y'a dans le brouillard, j'm'égare, là c'est à toi que dérange m'égare. En freestyle, y'a flan le matraquage, on cosse au mouton que matmata. Matmara salope. Riclet, c'est pas de la salope. Défoncé, je laisse trop place à l'autre. Les lampes, ma ça me rend grave pas l'eau. Va y'a dans le brouillard, j'm'égare, là c'est à toi que dérange m'égare. En freestyle, y'a flan le matraquage, on cosse au mouton que matmata. Matmara salope. Riclet, c'est pas de la salope. Défoncé, je laisse trop place à l'autre. Les lampes, ma ça me rend grave pas l'eau.